Chéri FM jusqu'au bout du monde. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Gbeke FM, votre première web radio de la région du Gbeke. Nous sommes aujourd'hui vendredi 27 novembre 2020 et nous sommes dans notre magazine du jour consacré à l'importance des moyens contraceptifs chez les jeunes et adolescents. Eh bien, pour ce thème, nous sommes avec deux invités avec qui nous allons débattre de la question. Ce sont M. Siba Patrick et M. Kambou Franck, tous deux membre du réseau Jeunes Ambassadeurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons déjà faire une pause musicale et on revient pour la suite. Lorette l'appel, c'est la musique que nous venons d'écouter. Le titre, c'est Terminus, une très belle chanson. Et pour tous ceux qui viennent de nous prendre la marche, sachez que vous êtes sur Gbeke FM, la première web radio de la région de Gbeke. Nous sommes à notre magazine du jour consacré aux méthodes contraceptives chez les jeunes et adolescents. Je suis Dibia Justin au micro. Je dis merci à Fabrice Kra du côté de la régie et merci à Monsieur Ouma Kobena pour la réalisation de cette émission. Alors, nous allons déjà commencer avec nos invités. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur. Et merci de nous recevoir ici sur votre radio. C'est un véritable honneur pour nous. Ok. Déjà, la première question pour vous, monsieur Kambou Franck. Déjà, parlez-nous un peu en une minute de votre structure. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, avant de commencer, je souhaite saluer tout le monde, les personnes présentes sur ce plateau et ainsi que ceux qui nous ont. Il faut dire non que le réseau des jeunes ambassadeurs est un réseau de plaidoyer d'activités communautaires qui s'est donné pour mission de contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive au niveau de la jeunesse. Et aussi, s'est donné aussi pour mission d'informer les jeunes en ce qui concerne la sexualité afin que ceux-ci puissent avoir un comportement, je dirais, plus responsable de leur vie sexuelle. Ok, très belle présentation de la structure. Ok, nous sommes vraiment ravis. Eh bien, dites-nous déjà, monsieur Franck, pourquoi est-ce que c'est ce thème-là que vous avez choisi? Il faut dire non que la jeunesse, d'abord, c'est vrai, je dirais que la jeunesse est, on peut dire, et on a l'habitude de le dire, est l'avenir de tout un pays. Il faut dire non que contribuer au développement, c'est aussi permettre à cette jeunesse-là de pouvoir se développer sainement. Car tout développement passe aussi par une maîtrise de la croissance démographique. Effectivement. Alors, nous savons que la Côte d'Ivoire a une population relativement jeune, donc permettre à cette jeunesse-là de pouvoir rester en vie, de pouvoir s'épanouir tout en restant en bonne santé, c'est à quelque part contribuer au bon développement de notre pays. Alors, si on comprend bien, c'est pour cela que vous avez choisi ce thème-là. Oui, bon, oui, c'est d'abord pour cela, et c'est aussi permettre à ce que les jeunes, surtout nos soeurs, arrêtent de mourir suite aux avortements ou aux choses qui sont provoquées par la grossesse précoce non désirée. Alors merci. Dites-nous, monsieur Patrick, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que votre collègue vient de dire? Oui, exactement. Je dirais que dans les médias, nous avons choisi ce thème parce que nous approchons de la période des fêtes et on constate que beaucoup de jeunes s'adonnent à certains actes qui vraiment ont des conséquences négatives sur leur avenir. Et c'est pourquoi nous voulons développer sur ce thème-là afin qu'ils puissent prendre conscience et devenir une jeunesse responsable pour bâtir un pays fort. Ah, ok, pas de souci. En tout cas, merci. Dites-nous aussi, quelle est la définition d'une méthode de contraception? Une méthode de contraception est en quelque sorte toute méthode conseillée à un individu ou à un couple afin d'éviter des grossesses non désirées. Afin d'éviter des grossesses non désirées. Et c'est seulement les grossesses, si je comprends bien? Non, pas seulement les grossesses, mais aussi les IST et toute infection sexuellement transmissible aussi. Que le sida et d'autres maladies. Ah ok, mais vous avez autre chose, monsieur Franck, ajouter à ce qu'il a dit? Bon, c'est juste un additif. Il faut dire qu'en plus des grossesses précoces non désirées que le VIH, que les méthodes permettent d'éviter, et les maladies sexuellement transmissibles, il faut dire que ces méthodes aussi permettent aussi de faire la planification familiale, c'est-à-dire de pouvoir choisir le nom d'enfant et à la période à laquelle on veut avoir ses enfants. Ok, Monsieur Patrick, ajoutez, donnez-nous un exemple de méthode contraceptive, s'il vous plaît. Je peux vous donner comme exemple de méthode. D'abord, je vais dire que les méthodes contraceptives sont divisées en trois grands types. Il y a des méthodes naturelles, des méthodes traditionnelles et les méthodes artificielles, telles que, on appelle très souvent les méthodes modernes. Bon, comme méthode moderne, c'est là, on voit pêle-mêle le préservatif, les pilules, les stérilets, bien d'autres. Alors, ok, il n'y a pas de souci, merci pour cette réponse. Mais est-ce que les méthodes contraceptives sont accessibles à tous les jeunes? Parce que vous vous intéressez ici aux jeunes. Est-ce que tous les jeunes peuvent s'en procurer? Très belle question, parce que nous avons constaté de nos jours que les jeunes ont les moyens de s'en procurer, mais eux-mêmes, ils hésitent par manque d'informations. Les jeunes ont peur d'approcher, les revendeurs ont peur d'approcher les personnes responsables de la distribution de ces méthodes-là. Donc, nous venons là pour les informer. Ces méthodes sont disponibles pour eux. Tout c'est gratuit dans certains centres, je dirais, et c'est en vente partout. Il n'y a pas de raison d'avoir peur d'utiliser une quelconque méthode contraceptive. Mais vous venez de dire que les jeunes ont peur, en fait, d'utiliser les méthodes. Et pourquoi? Quelle est la raison qui fait que ces jeunes-là ont peur, en fait, d'approcher ceux qui vendent ou bien ceux qui distribuent ces méthodes-là? Vous savez, l'Afrique est un continent qui est beaucoup basé sur sa tradition. Vu qu'ici, nos parents n'ont pas eu l'habitude d'utiliser ce genre de méthode, et nous connaissons tous l'utilisation de cette méthode. Prenons par exemple le cas du préservatif. Un jeune qui va à la boutique et qui dit à un boutiquier « je veux un préservatif », automatiquement le boutiquier sait qu'il va avoir des rapports sexuels. Oui. Et ce jeune-là, par crainte de se montrer à tout le monde, il va avoir peur d'aller acheter des préservatifs et il va rester dans l'anonymat et aller avoir des rapports non protégés. C'est un peu ça. Alors, ok, je vois. Alors, Monsieur Franck, après ce qu'il vient de dire, est-ce que vous ne voyez pas que c'est... Je vais dire, on n'assume pas en fait notre responsabilité, parce que si quelqu'un va acheter un préservatif, il doit être à mesure de ne pas avoir peut-être honte ou peur de quelqu'un. Il faut dire que au niveau de cette question, il faut dire que moi je ne dirais pas que c'est une fuite de responsabilité, mais souvent c'est le cadre au fait qui fait. Parce que il y a des jeunes qui s'en vont. Si le cadre est plus privé, vous allez voir que les jeunes ils vont s'en procurer. C'est lorsque le cadre est beaucoup plus ouvert, tel que dans les boutiques ou bien dans les quartiers, ou lorsque tout le monde se connaît. Donc lorsque une personne s'en va acheter un préservatif, automatiquement le boutiquier sait que, comme il l'a signifié, il va avoir des rapports sexuels. Alors que c'est un cadre, je peux dire, un peu restreint, où la communication, les échanges sont faciles. Oui. Donc, dans une causerie, le boutiquier peut laisser aller que toi, la dernière fois, tu viens acheter un préservatif. Donc, c'est, en fait, c'est pour éviter ces différentes accusations qui sont fondées, qui sont réelles, mais que les personnes souhaitent aller avoir des rapports sexuels en comptant sur des méthodes non pratiques, non fiables, que on qualifie même pas de méthode, parce que beaucoup vont au niveau des boutiques, beaucoup en fait ne vont pas au niveau des boutiques pour s'en procurer, comme mon collègue l'a dit, sous le fait de la honte. Donc ils vont compter sur autre pratique pour pouvoir avoir les rapports sexuels, puisque c'est un truc, ça demande, c'est entre nos jeunes, donc il faut dire ça demande. Ça, voilà, l'argot est là, tu as déjà excité. Voilà, donc il faut dire que tu n'as pas de préservatif, et puis un maître te dit très bien que c'est une période risquée, vu que tu as déjà excité, tu as déjà en érection, donc du coup tu vas user d'autres moyens qui est généralement le côté interrompu. Voilà. Alors que si on veut expliquer, mais en long et en large, le côté interrompu même n'est pas une méthode pour dire qu'elle sera fiable, pour qu'on puisse la conseiller à quelqu'un pour la pratiquer. Alors, avec ce que vous venez, il a dit qu'il y a des méthodes, je vais dire, traditionnelles. Moi, quand j'entends traditionnelles, je pense peut-être à d'autres méthodes. Je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de méthode traditionnelle? Il faut dire qu'au niveau des méthodes traditionnelles, comme on le dit bien, traditionnelles, c'est-à-dire que avant que les méthodes modernes puissent, je ne vais pas dire arriver, mais puissent prendre de l'ampleur comme de nos jours, nos parents, dans les années antérieures, avec leurs moyens à eux de pouvoir remédier à ce problème-là. Donc, Nous avons encore une méthode traditionnelle. Nous avons par exemple la toile sur la méthode sur la toile d'araignée où je m'explique. Par exemple, dans la cuisine, il y a les toiles d'araignée qui sont là. Bien sûr, ce n'est pas n'importe chose lequel, c'est des toiles d'araignée qui sont propres. Oui. Les moments d'avant, elles prenaient, elles faisaient les boules, oui. Elles mettaient au niveau du sexe. Oui. Au fait, il faut dire que la boule empêchait au fait le spermatozoïde de pouvoir aller féconder. Oui. Voilà. Donc, il y a la méthode de la toile d'araignée qui est là. Voilà, c'est une méthode qui serait vraiment difficile. Plus qu'on parle des jeunes, on voit vraiment que ce ne serait pas possible qu'un jeune utilise ça aujourd'hui. Mais est-ce que ceux qui sont au village, par exemple, est-ce que quand je dis pourquoi j'ai demandé, est-ce que les moyens sont accessibles à tout le monde? Par exemple, il y a des villages où peut-être il n'y a pas de préservatif, ou peut-être on ne sait même pas qu'il y a des moyens qui existent. Est-ce que ce truc-là, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela? Bon, je dirais d'abord que dans les villages, il n'y a pas de préservatif. Vu que nous nous intéressons plus personnellement aux jeunes, nous leur dirons qu'il y a les méthodes naturelles qui sont là, comme l'abstinence. Tu es jeune, tu ne prends pas en charge encore, tu vis chez les parents. Oui. Tu peux adopter l'abstinence. Ou encore, il y a le calendrier. Même si vous n'avez pas les moyens, ou bien vous n'avez pas le courage d'adopter l'abstinence, vu que tu es un homme, tu te dis mature. Mais il y a encore le calendrier. Essayez de faire les calculs, voir le cycle menstruel de la fille afin d'éviter certaines choses. Maintenant, tout ce qui va du VIH, SIDA, on peut dire qu'aujourd'hui, l'État a déployé de nombreux moyens en vue de sensibiliser et en vue même d'informer même toute la population sur le VIH, SIDA. Donc, tout le monde doit faire son test maintenant. Oui. C'est inévitable. Et si un jeune qui est conscient de son statut sérologique, oui, soit avec une fille qui est consciente aussi de son statut sérologique et qu'ils adoptent la méthode du calendrier qui est bien suivie, et je pense qu'ils n'auront pas de problème. Je pense qu'ils n'auront pas de problème. Ah, ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci. Alors, quelle est l'importance réelle des moyens contraceptifs, disons, pour ceux qui les utilisent? D'abord, je dirais que c'est cette question même qui est au cœur même de cet entretien, vu qu'aujourd'hui nous constatons beaucoup un désordre social au niveau de la jeunesse. On constate beaucoup que les jeunes vont à la perdition. Sortir avec une femme, ça ne comporte pas forcément des risques, mais comment tu vas faire? C'est là que tu te mets en danger. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent sortir sans préservatif, mais quand la fille est enceinte, il se désengage. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons éviter. Les grossesses non désirées, les grossesses précoces chez les jeunes filles qui les poussent même à l'abandon de leur école, à l'abandon de leurs activités pour aller travailler la terre ou encore aller faire un petit métier pour avoir de quoi nourrir cet enfant. On a encore comme grand danger la stérilité. Parce qu'une jeune dame qui n'a même pas encore à l'âge de reproduire va dans une salle d'accouchement. Les sages-femmes font mains et pieds pour la faire accoucher et après ça le bassin ne peut pas supporter, elle sera plus capable d'avoir des enfants et c'est comme son avenir même est détruit sur le coup. Voilà, c'est un peu cela que je peux donner comme conséquence. Importance réelle en fait. Voilà, et voilà comme importance, vu que ça nous empêche d'avoir beaucoup de... Pour ajouter quelque chose, monsieur Franck, à ce que votre collègue a dit. Bon, il faut dire que je vais apporter un additif. Il faut dire, en plus des grossesses non désirées, que cela permet d'éviter les grossesses précoces. Cela aussi permet en même temps d'éviter les mettre aux jeunes. Les mettre aux jeunes, c'est-à-dire, comme l'a si bien signifié, une fille, par exemple, qui a une grossesse précoce, c'est une mettre aux jeunes. Parce qu'elle n'a pas l'âge. Elle n'a pas l'âge, son corps n'est pas encore préparé, son corps n'est pas encore formé pour pouvoir accueillir une grossesse. Cela aussi permet aussi d'éviter aussi les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH, SIDA et les IST. Cela même au niveau social, cela me permet d'éviter la délinquance juvénile. Parce que si, bon, pour une personne normale qui peut procréer, qui a des choses qui ne sont pas de méthode de conception, qui à chaque arrêt tombe enceinte avec des moyens difficiles, des moyens financiers difficiles, il faut arriver à un certain âge, ces enfants seront livrés à eux-mêmes. Donc, du coup, au niveau social, il y aura un certain déséquilibre social avec l'insécurité, tout ça, parce qu'il y aura une cassure au niveau de l'éducation. Plus qu'il y a des enfants, excusez-moi une tête, mais qui seront là, mais pas par véritable souhait des parents. Donc cela va permettre d'éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées, les IST au niveau social. Cela va permettre d'éviter la délinquance juvénile. Au niveau même des élèves, des étudiants, tout ça, au niveau des jeunes, cela va leur permettre de pouvoir mieux et bien planifier leur avenir. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas surpris par une grossesse et tout ça. Voilà. Même la mort, même cela permet d'éviter la mort. Parce que si une fille est enceinte et étant à la charge ou bien ne souhaitant pas tomber enceinte et puis elle tombe enceinte par accident, le premier réflexe de la jeunesse, lorsque une grossesse n'est pas souhaitée, n'est pas volontaire, c'est l'avortement. C'est l'avortement. Et lors d'une prochaine émission, nous allons essayer de déballer un peu les différents risques que contient l'avortement. Oui, nous voyons. Alors, puisque vous venez de le dire, les jeunes, c'est un peu, comme on le disait à l'instant, c'est un peu difficile de se procurer les moyens. Ça fait longtemps qu'on voit que l'État, un peu partout, la société essaie de mettre des choses en œuvre, c'est-à-dire essayer de prendre des initiatives pour que ces choses-là diminuent. Mais on voit que ça persiste en fait. Quel est le véritable problème chez les jeunes? Parce qu'on voit que malgré tous ces moyens contraceptifs qui existent depuis bien longtemps, on voit que ces choses-là vraiment continuent, ça persiste. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Il faut dire que la jeunesse en elle-même, il y a le manque d'informations au niveau de la jeunesse. Parce que c'est pour ça, aujourd'hui, en plus de l'État, plusieurs ONG, plusieurs structures se battent contre vins et marées pour pouvoir mieux informer la jeunesse. C'est-à-dire donc que, au fait, nous sommes en Afrique, les mauvaises informations vont plus vite que les bonnes. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut dire que, en même temps que nous nous battions pour pouvoir mieux informer la jeunesse, il y a des personnes aussi qui, au vu de leur mauvaise expérience avec une méthode de leur entourage, sont déjà carrés et commencent à informer aussi les ces populations. Voilà. Que telle méthode leur méthode là, mais c'est pas fiable. Tu vas prendre, tu vas tomber enceinte, donc du coup, à quoi sert bon de l'utiliser? Donc il faut dire que comme première cause, même c'est le manque d'information et la mauvaise information qui est donnée aux jeunes. C'est pour ça nous sommes là. En plus de nous, comme je l'ai souligné, plusieurs ONG, plusieurs structures aussi, en plus de l'État qui œuvrent pour pouvoir mieux informer cette jeunesse-là. Alors, merci. Eh bien, nous sommes toujours sur BK FM dans notre émission, dans notre magazine du jour où nous parlons de l'importance des méthodes contraceptives. Nous allons revenir dans peu de temps, mais tout d'abord, on va faire une pause musicale avec VDA. Alain Blébitillon. En tout cas les mélodies là, y'en a tout. Même quand Pitch VDA fait ta double comme ça, oh. C'est son kata, oh. C'est vrai, oh. Tu chantes bien, oh. Mais moi j'ai Natalia, oh. Président Stéphane Guipré. Petit, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort, oh. Je dis Guim, c'est vrai, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort, oh. Chantons les eaux. AB de Turin. Yemi Ondara, Yemi Ondara, Yemi Ondara, Yemi Ondara, Ondara Gionba, Mike la merveille, Ondara Gionba, éclat de perles. C'était vraiment compliqué, oh, le premier jour de comprendre ça. Just me, Joss. Je chante pas fort, et vous à moi, c'est quoi bien, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Ouais, ouais, petit, mais c'est ça, le bien de quartier, tu chantes, moi, on comprend pas. C'est comment? J'ai bien étudié ça, et j'ai fini par comprendre. J'ai mon vieux à Tingola, il n'attend pas son nom. Dans mes chansons, donc il dit, je chante bien, mais je chante pas faux. Chalamou tata, pourtant il est couteau. C'est que moi je dis là, il entend, mais il dit, je chante bien, oh, mais lui il n'attend pas haut. Oh. Comme il n'y a pas son nom. Ah, vraiment, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Ça, c'est la chanson que nous venons d'écouter. Elle est de VDA, un groupe musical du genre Zouglou, ici en Côte d'Ivoire. Voix des anges, c'est ce que signifie VDA. Nous sommes toujours dans notre magazine du jour consacré à l'importance des méthodes contraceptives chez les adolescents et jeunes. Nous sommes avec M. Siba Patrick et M. Kambo Franck, qui sont tous deux membre du réseau Jeunes Ambassadeurs, nous parlons avec eux de l'importance de ces moyens-là. Alors, pour revenir à vous, Monsieur Franck, dites-nous, pourquoi est-ce que c'est les jeunes que vous avez choisis comme cible? Alors, il faut dire que comme signifié au début de l'émission, il faut dire que la jeunesse représente l'espoir. Il faut dire que la jeunesse représente l'espoir et en même temps, le pilier sur lequel ça appuie tout un pays, toute une famille. Et donc, oui. Il faut dire que une jeunesse qui, à cause d'une grossesse ou à cause d'un comportement sexuel irresponsable ou à cause d'une manque d'informations sur la sexualité, oui. Se retrouve en danger, il faut dire que cela représente une grosse perte et pour le pays, et pour la famille, et pour l'entourage. Donc, il faut dire que cette jeunesse-là a lieu d'être sensibilisé, cette jeunesse-là a lieu d'être informée sur ce qui implique leurs actions au niveau de la sexualité. Donc, il faut leur informer de telle sorte que ceux-ci puissent être responsables sexuellement, surtout en cette période de fête, en cette période vraiment d'activité, tout ça. Il faut dire que les jeunes seront amenés à voyager, tout ça. Alors, il faut mieux les informer. Comme je l'ai dit au préalable, le manque d'information est un véritable problème. Donc, il faut informer cette jeunesse-là afin qu'ils puissent pratiquer leur sexualité normalement, régulièrement, tout en préservant leur santé, tout en préservant leur avenir. Oui. Voilà. Puis, comme on le dit, il faut s'en gérer dans la sécurité. Ça, c'est sûr. Alors, Monsieur Patrick, je reviens à vous. Selon vous, pour la même question, pourquoi est-ce que c'est les jeunes qui sont les plus intéressés ici? Je dirais en un mot pour compléter ce qu'il a dit tout à l'heure, que la jeunesse est en quelque sorte en danger. La jeunesse est en danger. Donc, il faudrait que nous leur donnions des conseils. Il faudrait qu'ils soient informés. Vu que nous faisons face à une mauvaise information, nous devons résoudre ce problème. Vu que cette jeunesse-là puisse être responsable et se prendre en main. Aujourd'hui, quand tu vois le nombre de cas de grossesse dans les lycées et collèges, mais c'est vraiment désastreux. C'est vraiment désastreux. Ça fait vraiment mal. Alors, nous sommes obligés de régler ça pour que cette jeunesse-là puisse évoluer et pour que cette jeunesse-là puisse s'épanouir même dans la société. Et quand on voit aujourd'hui une jeune fille qui a eu un enfant, peut-être à 15 ans, à 16 ans, tu sens que cette fille-là, elle est perdue dans la société. Tu sens que cette fille-là, elle ne se retrouve pas. Et pour que tout le monde soit à l'aise, on est obligé, en quelque sorte, de les informer, de leur donner la bonne information. On est obligé, en quelque sorte, d'aller vers eux pour leur dire qu'ils peuvent utiliser les méthodes de contraception. Et cette méthode-là même sont plus là pour eux. Au niveau du planning familial, c'est pour les couples. Mais quand les jeunes, aujourd'hui, vont bien utiliser ces méthodes de contraception, je pense qu'on n'aura pas à adopter certaines méthodes de planning familial demain. Oui. Ils seront très informés, eux-mêmes seront très responsables et eux-mêmes ils finiront par s'auto-responsabiliser. Oui. Alors pour revenir à la même question, Monsieur Patrick, vous allez me dire le rôle que peuvent jouer les parents dans cette lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, le sida, c'est-à-dire les grossesses indésirées, tout ça. Je dirais que les parents ont vraiment un rôle très important à jouer. Vu que certains parents même ils minimisent ça. Certains parents minimisent la sexualité de l'enfant. La communication parent-enfant ne passe pas. Or, c'est vraiment c'est un véritable danger ici en Afrique. Il faut que les parents communiquent avec les enfants. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants comment se comporter. Il faut que les parents aussi donnent des conseils à leurs enfants. Il ne suffit pas de rester là et à dire à mon enfant, non, elle ne sort pas. Donc, comme elle ne sort pas, c'est que ma fille, elle est tranquille. Comme mon fils, là, comme lui, il ne se prend pas trop, elle est jeune du quartier, c'est qu'il est bien. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait quand toi, tu dors. Tu ne sais pas ce qu'il fait quand toi, tu es sorti. Alors, il faudrait communiquer. Il faudrait dire à ses enfants, il faudrait dire que tu peux avoir une relation, tu peux avoir un homme dans ta vie. Mais soyez responsable. Oui. Attendez d'abord l'âge de 18 ans avant d'avoir vos rapports sexuels. Et quand vous aurez vos rapports sexuels, utilisez une méthode de contraception. Tu rappelles ça à l'enfant. La femme va s'asseoir seule et va se dire, mais moi, toujours ma maman me dit ça. Ça sert à quoi de faire ça derrière elle? Alors je vais attendre. Mais quand l'enfant n'est pas informé, et puis il se dit, mais moi-même, même si il y a 30 ans qu'il envoie une go à la maison, moi mon papa va me tuer. Donc là, vaut mieux faire en même temps. Faut pas, là, si il garde, c'est fini. Et comme ça, vous mettez la vie de votre enfant en danger. Donc, nous voudrions aujourd'hui que les parents soient, en quelque sorte, nos intermédiaires entre nous et leurs enfants, entre nous et la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde. Ça, mais c'est si sûr. Les parents rappellent à chaque fois aux enfants qu'ils doivent avoir une vie sexuelle très saine et responsable. Ils doivent atteindre l'âge de la majorité avant d'avoir des rapports sexuels. Ils doivent se protéger quand ils ont des rapports sexuels. Ces enfants-là vont finir par mémoriser ça et je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. Ok, merci à vous. Alors, monsieur Kambou Franck, pensez-vous réellement que les parents doivent parler des méthodes contraceptives à leurs enfants? Vous savez, il faut dire que le foyer, le ménage est le premier lieu de socialisation de l'enfant. Ça, c'est sûr. Donc, il faut dire que chez nous en Afrique, on a tendance à voir la sexualité comme un sujet tabou. Surtout, donc, un parent avec un enfant s'asseoir pour parler de sexualité, c'est un peu compliqué. C'est très très compliqué. Alors il faut signifier que si dès le départ, si dès la maison, les parents apprennent à l'enfant, les parents informent l'enfant sur les différentes méthodes de contraception. Les parents disent à l'enfant, voici ce qui implique sur le sexe, voici ce qui implique l'activité sexuelle. Je suis sûr que l'enfant aura cette capacité, aura cette information-là, chose qui permettra d'éviter des soucis. Parce qu'il faut dire qu'on parle de grossesse précoce, de grossesse non désirée, tout ça. Il faut dire que à quelque part, les enfants n'ont pas cette information-là. Ils ont une information, on peut dire tard. Ils ont une information, on peut dire tard, on peut dire de manière tardive. Oui. Donc là, du coup, cela est un peu compliqué pour eux. Alors donc, selon ça, à partir de quel âge, c'est-à-dire à partir de dès qu'on voit que l'enfant, c'est à quel âge précisément qu'on doit commencer à parler de sexualité à l'enfant? Au fait, bon, moi personnellement, à mon niveau, lorsque un parent voit, par exemple, au niveau des filles, si une fille commence déjà à étant dans l'âge, on dit de la puberté, une fois ayant atteint l'âge de la puberté, mais les parents, je peux déjà de manière psychologique, à préparer l'enfant à cela, à pouvoir recevoir cette information là. Car si l'enfant est dès le départ est informé, même pas de manière chose profonde, mais si déjà l'existence des différentes méthodes avec les choses au niveau des parents, ce que l'information qu'ils auront, chose, ils vont recevoir dehors, ne sera que plutôt des additifs à ce qu'ils ont déjà comme information. Car c'est en voulant se cacher, c'est en se cachant et puis en étant pas informé que la situation arrive au drame. Donc si un enfant dès le départ est informé depuis la maison et d'ailleurs on ne fait que confirmer ou éclairer l'enfant sur ces informations là, comme il a dit, sinon qu'on pourra résoudre le problème. Ok, merci. Eh bien concrètement, depuis près de un an, disons, nous sommes dans une crise sanitaire, nous allons dire, est-ce qu'il y a une relation entre cette sensibilisation que vous faites là et la crise sanitaire à COVID-19 que nous vivons actuellement? Il faut dire non que, merci pour la question, il faut dire non que la crise sanitaire, nous tous nous l'avons vécu, nous a obligés à vivre selon des principes, nous a instauré un nouveau mode de vie. Voilà, il faut dire non que avec cette crise là, il y a des jeunes qui dont les activités ont été arrêtées. Il faut dire que les rapprochements entre les personnes, les rapprochements entre les différentes personnes, de manière au niveau du ménage, comme entre les différents partenaires, c'est plus intensifié. Donc, bon, je prends un exemple pour une pour un couple, pour un couple de jeunes qui vivent ensemble. La fille n'est pas sous méthode. Le jeune, à cause du Covid, voit ses activités s'arrêter. La fille aussi, elle est à la maison. Ils n'ont rien à faire entre nos jeunes. Ils n'ont pas mangé, dormi. Et la télévision est plus bon. Comme on dit, entre nos jeunes, c'est même bien. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. Alors, si la fille n'est pas protégée, si la fille n'est pas sous une méthode de contraception, supposons qu'au début, ils viennent, on va dire, en concubinage, mais ils n'ont pas de projet d'enfant. Oui. Selon si ils seront clairs qu'à un moment donné, les calculs vont fausser. Et puis, bon, une grossesse, bon, si c'est des personnes matures, une grossesse non désirée va venir s'imposer là. Oui. Donc il faut dire que les méthodes, surtout en cette période de Covid, a lieu d'être, je peux dire, les informations sur son existence et son utilisation a lieu d'être divulguées, a lieu d'être données de manière intensive. Car les personnes étant plus proches, les personnes étant plus constamment ensemble, dans leur couple, il faut dire que c'est l'activité sexuelle qui s'intensifie. Oui. Donc, il vaut mieux les informer. C'est vrai, nous parlons des jeunes, mais cela implique tout le monde. Cela implique même les parents. Car bon, j'ai vu une fois, je vais prendre un exemple, sur les réseaux sociaux, il y a un comité de femmes qui a commencé à marcher, qui s'est mis à marcher dans les rues, oui, sous prétexte non que les mesures barrières instaurées par le gouvernement là, ils ont qu'à faire, ils vont les lever, oui, parce que les hommes sont constamment à la maison, ça les arrange plus, parce qu'elles sont fatiguées de faire les acrobaties. Oui, oui, donc elles disent acrobaties, mais nous, en langage, on se comprend. Ouais, oui. Donc supposons qu'une femme, elle n'est pas sous méthode, chaque fois elle a fait des acrobaties, Ça devient vraiment compliqué. Ça devient compliqué. Alors, ok, nous sommes presque à la fin du temps qui nous est imparti. Eh bien, nous allons prendre le mot de fin de monsieur Siba Patrick. Bien, je vais d'abord remercier Radio Gbeke de nous avoir accordé ce moment. Oui. Nous allons d'abord inviter tous les jeunes de la ville de Boaké, tous les jeunes de la région du Gbeke qui veulent adhérer au réseau des jeunes ambassadeurs de nous contacter. Nous avons besoin d'eux pour informer nos jeunes frères dans les localités les plus reculées sur les méthodes de contraception, sur leurs responsabilités face à la sexualité. Et donc, nous invitons tout le monde. C'est gratuit, c'est du don de soi. Et vraiment, nous allons être très heureux de les avoir avec nous. Alors, merci à vous. Et monsieur Cambo Franck va également nous dire ce qu'il a comme mot de fin. D'abord, je remercie Becker FM pour l'occasion. Oui. Je remercie aussi le réseau des jeunes ambassadeurs qui œuvrent pour la jeunesse au niveau de la sexualité. Il faut dire que au niveau des jeunes, nous incitons les jeunes d'abord, comme il a dit, à nous rejoindre, à pouvoir, ceux qui ont l'information, mais ceux qui n'ont pas l'information, mais qui veulent avoir l'information, pour aussi toucher aussi des personnes. Venez ensemble, nous allons apporter notre grain de sel à un changement social. Car il faut dire que je souhaite que nous tous, tous les jeunes, aucun jeune n'ait un avenir gâché à cause d'une grossesse, aucun jeune n'ait un avenir gâché à cause d'une maladie transmissible, ou bien aucun jeune ne meurt. Au niveau des méthodes, bon, si on prend au niveau des différents médicaux scolaires, les méthodes sont gratuites là-bas. Oui. Pour les jeunes de 14 à 24 ans. Okay. Peu importe, c'est vrai, on dit médicaux scolaires, mais c'est pas forcément élève. Oui. C'est pas forcément une personne qui porte une tenue scolaire. Oui. Toi, tu es jeune, tu as entre 14 et 24 ans, tu vas au médicaux, tu dis tu veux une méthode de contraception. Tu dis tiens, garçon, tu veux un préservatif, ils vont te donner un préservatif. En tant que jeune, c'est gratuit. Maintenant, pour ceux qui ont dépassé l'âge, pour ceux qui doivent acheter, il faut briser cette barrière de honte là. Oui. Il faut briser cette barrière de honte. Parce que, bon, pour la fille, acheter un préservatif qui va coûter ne serait-ce que, je peux dire, une minute, en ayant les yeux sur toi, et une grossesse qui va durer 9 mois, oui, quelle est la plus grande honte? Alors vraiment, c'est une question qui a été posée. Voilà, il faut vraiment choisir la méthode contraceptive. Chers internautes, nous sommes presque au thème de notre magazine du jour consacré à l'importance des méthodes contraceptives chez les jeunes et adolescents. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons merci également à la structure Jeunes Ambassadeurs et à tous nos deux invités qui sont M. Siba Patrick et M. Kambou Franck, qui nous ont vraiment donné de leur savoir sur la question. Merci à tous. Vous pouvez toujours nous suivre sur Gbeke FM en téléchargeant l'application Gbeke FM ou sur Facebook tout simplement. Merci à vous, jeunes ambassadeurs, pour tout ce que vous entreprenez pour le bien-être des jeunes. Merci à tous et nous disons au revoir et à bientôt. Gbeke FM, la radio jusqu'au bout du monde.